Bonjour les amis. Bonjour. Salut. Alors cette semaine j'ai vu une vidéo d'une très grande tristesse. Oh ça va, tu exagères, il a le droit de s'exprimer François Hollande. On verra le jour où toi aussi tu aurais pu battre Emmanuel Macron, ça suit. Non mais rien à voir, non pas du tout. La vidéo pathétique en question c'était la présentation du nouveau doyen de l'humanité. Oh ça va, tu exagères, il a encore la pêche Charles Aznavour, il tremblote un peu sur son répertoire reggaeton, mais dès qu'il repart dans ses classiques. Non, rien à voir avec Charles Aznavour, et arrêtez de m'interrompre, moi j'ai que 3 minutes ici pour faire mes preuves, essayer de décrocher qui a un rire, qui a une connivence, qui a une compassion. Je suis pas venu pour souffrir, sinon dans la vie j'aurais fait cheminot ou Thédorier et Gérard Depardieu. Non, le nouveau doyen de l'humanité s'appelle Masazo Nonaka, il a 112 ans. Ouais. Et je vous promets un truc, c'est que sa vidéo de présentation, elle donne pas envie d'avoir 112 ans. Moi, j'ai rien contre les vieux, moi je suis sur France Inter et tout. Avant-hier encore, j'ai bu un thé. Je dis pas il y a longtemps, j'ai dit il y a belle lurette, etc. Je suis prêt pour la finitude. Mais là, le pauvre Masazo, il pose en fauteuil roulant devant une nuée de photographes, la mâchoire un peu pendante, et il y a quelqu'un qui vient lui redresser sa mâchoire, ça m'a fait mal au cœur. Ah ouais. Masazo, il a vu la vidéo, après ça a été un électrochoc, il s'est dit c'est bon, ça suffit, je reprends le sport. Peut-être pas tout de suite le MMA, mais si je pars sur un 3 fois semaine un peu strict, je peux viser qu'on arrête de me toucher la bouche devant témoin. Donc vraiment, le pauvre, il essayait de parler, mais c'était complexe quoi. Sa diction faisait penser vraiment à celle d'un certain chroniqueur de la bande originale, dont le nom de famille commence par « Et maintenant la drôle d'humeur de Guillermo Guise ». Vous le saviez ça? Pour mes droits d'auteur, la SACD ne paye pas au mot écrit, moi je paye au mot articulé. En 2017, j'ai reçu 11 euros. Non. À production égale, Edouard Balladur, il prend 30 000 et il va encore s'il s'achète une paillote. Non mais vraiment, mais Masazo Nonaka, il a l'excuse quand même d'avoir 112 ans. Il est né en 1905. Les balbutiements, n'oubliez pas les paroles quoi, 1905. Moi j'ai vu les images, Nagui, c'était adorable, vous avez un costume trop grand pour vous. Et je vous revois encore, et c'est sa première télé, mesdames, messieurs, Arletty. Mais genre, vous regardez dans la mauvaise caméra et tout, c'était hyper cute. Mais 1905, il a passé toute sa vie au Japon, Masazo. Le Japon, c'est un pays où on devient souvent centenaire. Pourquoi? Parce qu'on est épargné par le fameux stress au boulot, le mal du siècle en Europe évidemment, mais au Japon, évidemment, les gens se réveillent une demi-heure trop tard, ils disent. C'est pas pour une demi-heure, hein, c'est pas très grave. Eh bien si, en fait c'est grave, le patron l'a mal pris, il s'est tranché un doigt pour montrer qu'il est courroux. Du coup, si tu te suicides pas au Japon, tu as quand même de grandes chances de vivre longtemps grâce aux sources d'eau chaude et à la mort précoce de Godzilla qui mettait quand même une forte tension sociale dans l'île. Et c'est ce qui est arrivé à Masazo, 112 ans, donc une grande famille. 7 frères, le plus jeune a 17 ans. C'est son grand-frère, mais il le considère plus comme son arrière-grand-père. Parfois, il lui dit, Masazo, grand-frère, tu vois, cette fille, je l'aimais trop. Moi, je suis sûr que je ne tomberai plus jamais amoureux. Et alors, Masazo, il dit, parce qu'il n'entend plus les sons humains. Mais il est encore là. Son secret de longévité, c'est le mariage. Il s'est marié en 1931. Il a divorcé en 1932. Depuis, une pute par semaine, pas plus, en congé scolaire. Très peu de cocaïne avant 17h, jamais sniffé, uniquement en salade ou en sushi. Résultat, 112 ans. Ça me frappe à chaque fois qu'on présente le nouveau doyen de l'humanité, son secret de longévité, c'est toujours un truc qui fait mourir tout le monde. C'est ça. En général, c'est toujours son secret, il boit son petit coup de rouge, j'ai plus 100 ans tous les jours. Ouais, trop bien. J'attends encore le mec qui arrivera à 120 piges en faisant, moi, jamais fumé, jamais bu, jamais sorti, mon secret, le quinoa. Vraiment, j'en peux, par pitié, tant que vous êtes là, tuez-moi. Quand j'en peux plus de ma vie, ça fait 120 ans que je me fais chier, là c'est bon, j'ai vu toutes les saisons de Commissaire Moulin, ça suffit quoi. Bon, et c'est ce que je nous souhaite vraiment d'arriver si longtemps dans la vie, mais de pouvoir remettre nos mâchoires nous-mêmes. Allez, bonne émission. Merci, France Inter, Nagui, la bande originale.